If my voice doesn't carry, it won't be my fault. It will be the fault of the loudspeaker. Vous entendez les rires du public qui vous montre à quel point l'entretien était familier avec Gandhi et direct. Et le rire était provoqué par le fait que Gandhi disait « Si vous ne m'entendez pas, ce ne sera pas de ma faute, ce sera la faute du haut-parleur, du haut-parleur. » Écoute, je défends mes gars de la rue, tous ceux en peine de cœur, en peine de corps, des morts de faim et donc en peine de mort. Tous ces SDF en manque de sous, en manque de thunes, en manque de toi, et contrairement à toi, en manque de tout. Pour tous les gens en manque d'amour, ce manque d'humeur qui fait que toi ou moi, on va regarder ce clochard avec pudeur. Pour tous les morts assassinés, pour rien, pour une guerre, pour le plaisir malsain d'un homme qui veut s'approprier la terre. Je rapporte ces fils de pute, ces langues de chiennes qui baissent leur flûte en attendant sagement que la monnaie les ken. Je rapporte toi pour tes neurones qui se déforment et qui s'informent sur des mythos et sur des normes qui sont sous les projos. Pour ces promos faites à l'état et qui s'étalent sur le marché entre les guns et puis la cam qui fait qu'on est blindé. J'aura pour nous pour remettre les choses en place, pour faire réfléchir, reconnecter les neurones de la populace. J'aura aussi pour moi pour te prouver qu'on est corda. Et si ça part en couille, c'est peut-être sûrement la faute de l'état. Mais dis au moins que tu assumes, que tu t'en bats les couilles, que tu as ton salaire et même si tu n'as pas de couilles. Et si je rappe depuis 10 piges, c'est que ma plume connaît le sang, que j'ai besoin d'évacuer comme j'ai besoin de temps. Ma plume ne s'affaisse pas face à ces mecs de pute, je ne prône que la paix, mes écrits mettent des supercutes. Si j'ai le besoin de gratter, c'est que les choses vont mal. Quand je vois ces gamins qui se défoncent la tête à la cam, tous ces enfants de Babylone qui carburent à l'offense, qui pensent à la défense, qui ont décapité l'enfance. Comme un malaise de l'an 2000 où l'on demande inconsciemment à tous ces gens de finir la cervelle dans un demi, et où le solidaire finit ses journées par des pleurs, et même le solitaire trouve qu'on manque cruellement de cœur. Le respect de la paix est dirigé par des tueurs, et va en parler à ses veuves et à ses mères en pleurs. On avance et on finance tous notre exécution, comme nous à petit feu ou eux par électrocution. Nous avons tous ce sentiment que c'est la faute de l'autre, que lui y participe et que toi tu es un apôtre. Qu'il est le diable, que tu es Dieu, qu'il est mauvais, que tu es mieux, que lui est jeune, que tu es vieux, que tu mérites les cieux. Si c'est un son mélancolique, c'est que nos vies l'écoutent. Nos têtes éprouvent et approuvent, nos gestes sont au goutte à goutte. Et mes lignes sont plus longues, c'est ça qui est inquiétant. Face à des diables immondes au monde, mais je reste impuissant. Comment faire pour changer la vue de ceux qui vont en mal? Comment changer la vie de ces gens qui se sentent mal? Comment prôner la paix face à tous ces gardiens armés, face aux gens qui nous dirigent, qui prônent l'inégalité? J'ai le mal de cette vie qui nous imprime des dires, des souffrances que chacun cache derrière un beau sourire. C'est déjà dur de le penser, encore plus de l'écrire. Imagine le rapper, ça me rappelle qu'elle est partie. Autant de vers dans un couplet synonyme de rap, cette musique engagée que la réalité rattrape. Et tu l'exposes à un danger, l'exposes de préjugés, d'une musique de loupard et des rappeurs analphabètes. Si tu es bête et que tu guettes coincé dans tes propos, je n'ai pas à m'excuser, m'accuser que mes vers soient beaux. Ma poésie est pure et formée à l'image des gens, pas plus intelligent qu'un néo-nazi allemand. Et si l'on ment, c'est que nos écrits sentent la métaphore. Ce n'est pas plus bizarre qu'un sage condamné par un porc. Appelle la poésie urbaine, vient dénoncer les drames, accompagné de rimes fat et les caler dans les crânes. Dans les crânes, dans les crânes, dans les crânes, dans les crânes, dans les crânes, dans les crânes.